Les mass-médias de divers pays et régions ont rapporté en détail que le maréchal Kim Jong-un, président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a publié une déclaration. Ce sont New York Times, l'agence de presse laotienne, l'agence de presse Ilna de l'Iran, l'agence de presse AKP du Cambodge et le journal cambodgien Khmer Times, la revue internet Nepal Today, le journal indien Public News, les journaux birmans The Voice, Seven Day Daily et Daily Eleven, le journal internet birman Titu Luin, la télévision birmane, les pages internet du forum allemand anti-impérialiste Les Nouvelles des Inspections, du cercle bulgare d'études du kim-il-sunisme kim-jong-lisme, de l'association d'amitié Pektusan Tchèque-Corée, de l'association d'amitié et de solidarité Italie-République populaire démocratique de Corée et du comité africain pour l'amitié et la solidarité avec le peuple coréen siégeant au Nigeria. Les mass-médias ont présenté les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.